vite pas sans mal d'avoir à m'imposer. Là je baisse la tête et là je suis planquée. Et je n'en suis pas fière ni vraiment rassurée par ma science de la dérobade. Mais j'ai peur de parler, j'ai peur de te parler, de devenir un poids qui parle, un poids qui se rebiffe et commence à trembler. Toi qui me veux légère, moi qui te veux légère et calme. Oh, le temps que ça dure d'avoir à tout porter. Motus, m'a-t-on soufflé ton tact? Si d'une bouche cruelle je pouvais m'expliquer, mais cette bouche que j'ai renacle. Oh, j'ai peur de parler, j'ai peur de te parler, de devenir un poids qui parle, un poids qui se rebiffe et commence à trembler. Toi qui me veux légère, moi qui te veux légère et calme. En deux, trois occasions j'ai pu me délester pour se faire détester. L'aveu, c'est l'idéal. Je ne comprenais pas à m'écouter aussi. Motus, m'a-t-on dit ton tact? Oh, j'ai peur de parler, j'ai peur de te parler, de devenir un poids qui parle, un poids qui se rebiffe et commence à trembler. Moi qui te veux légère et calme. Et j'ai peur de parler, j'ai peur de te parler, de devenir un poids qui parle, un poids qui se rebiffe et commence à trembler. Toi qui me veux légère, moi qui te veux légère et calme.